Merci pour votre fidélité à nos ondes. Bienvenue à vous, chers auditeurs, auditrices. Voici tout de suite la carte menu de cette édition. Célébration de l'unité nationale ce lundi 5 février. Le chef de l'État demande à la population burundaise de renforcer l'unité nationale par l'application du contenu de la charte de l'unité nationale TT à Gitega. Cette célébration est le moment opportun d'analyser les facteurs qui entravent le renforcement de l'unité nationale. C'est du moins l'avis du directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences. C'est l'évolution des mentalités. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Sur la carte menu également en éducation, le lycée Luanga, en commune Matana de la province Bururi, est dans le noir depuis une semaine. Le directeur indique que l'encadrement des élèves devient difficile pendant la nuit. Et puis, la chronique sport nous informera sur une des réformes apportées en 2023 de la loi numéro 10 régissant le football. Voilà pour le sommaire. Doré Bingabile, je suis à la présentation. Alphonse Kugimana assure la mise en Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue encore. Le chef de l'État demande à la population burundaise de renforcer l'unité nationale par l'application du contenu de la charte de l'unité nationale. C'était ce lundi à Gitega lors des cérémonies de célébration du 33e anniversaire de l'adoption de la charte de l'unité nationale. Comme nouveauté de ces cérémonies, elles se sont déroulées dans 5 provinces du pays et au niveau national. Elles ont eu lieu dans la nouvelle province Gitega, composée des provinces Karusi, Mwaro, Mulanze et Gitega, et chacune d'elles était représentée. Gérard Nibigira. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a demandé aux Burundais de mettre en application le contenu de la charte de l'unité nationale constituée de plusieurs articles. Il a alors cité quelques-uns comme la reconnaissance du fait que l'unité nationale a toujours existé et existera toujours et que cette unité s'est caractérisée dans la vie quotidienne des Burundais jusqu'à lutter ensemble pour l'indépendance du Burundi. C'est aussi la décision de tous les Burundais de mener ensemble en commun. Combat acharné contre la division de toutes sortes et d'où qu'elle viendra. C'est aussi la lutte contre le meurtre, la vengeance et la globalisation. Il a en outre rappelé qu'il s'agit de se pardonner mutuellement et cultiver un esprit de confiance et de mettre tous les citoyens sur un même pied d'égalité devant la loi et de lutter pour une justice équitable. Il a conclu en appelant les Burundais à donner une importance capitale à l'unité nationale. Quant à lui, le gouverneur de la province Gitega Venant Manirambona a indiqué que la paix, la sécurité et l'unité règnent dans la nouvelle province Gitega, composée des provinces Mwaro, Muramvya, Karusi et Gitega. Et pour la première fois, les cérémonies de la fête de l'unité nationale se sont déroulées dans les 5 nouvelles provinces du pays. Et à Gitega, ils ont vu la présence des différents hauts cadres du pays, des représentants du corps diplomatique et consulaire, de l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya et de Madame Laurence Ndadaye, épouse du héros de la démocratie. Fait président Melchior Ndadaye. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour Radio Isanganiro. Merci Gérard. L'unité nationale est le pilier incontournable sur lequel le Burundi est bâti. Propos du président de l'Assemblée nationale, invité d'honneur lors de la célébration de l'unité nationale en mairie de Bujumbura. Daniel Gélaz Ndabilabe appelle les Burundais à rester soudés en luttant contre toute chose semant des divisions entre eux. Suivez-le. Les Burundais avons la volonté de construire un pays uni et un pays de paix et de sécurité, promouvant le développement public, la justice et le droit de l'homme à tout le monde. Un pays bien perçu dans le concert des nations. L'unité nationale est la base de notre vision, sous thème mensuel, bâtissons ensemble le Burundi. Un thème qui nous rassemble pour les travaux de développement afin de bâtir notre pays dans l'unité. Prenons l'exemple de nos ancêtres qui ont bâti le Burundi jusqu'à ce qu'il soit reconnu. Ils avaient une administration bien organisée, basée sur l'unité. Ils nous ont légué un pays en voie de développement. Le Burundi a été toujours partagé par tous les Burundais de toutes les ethnies provenant de toutes les provinces. Personne ne nie que l'unité des Burundais ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Ça a toujours existé. Malgré qu'elle a été perturbée, ça existe même aujourd'hui et ça va toujours exister parce que les Burundais avons la volonté de la consolider. Nous admettons que l'unité nationale est la richesse la plus significative que nous ont légué nos ancêtres. C'est pour cela que nous sommes appelés à maintenir ces territoires. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. En ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Vous pouvez également les jeter un coup d'œil sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI et sur X, c'est RT Isanganiro. Parlons toujours unité nationale. L'instabilité politique qu'a traversé le Burundi a fait chuter l'unité nationale et l'économie du pays aussi. Propos de Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM. Il indique que la célébration de cette fête est une bonne occasion d'analyser les facteurs qui entravent le renforcement de l'unité nationale. Selon lui, la discrimination politique doit cesser afin d'atteindre le développement durable. Suivez. Et l'unité est fondamentale, l'unité c'est la base de la stabilité politique, et la stabilité politique est la principale cause, la base pour un PQV se tourner vers le chemin de l'émergence. Par ailleurs, au Burundi, si on analyse la pauvreté dans laquelle le Burundi croupit, il y a une grande partie la cause liée à l'instabilité politique, aux crises politiques répétitives, notamment en 1972, en 1993, en 2015. Si on analyse même l'impact de ces crises sur l'économie burundaise, on voit qu'en 72, l'économie a reculé de 6%, en 2003-2005, l'économie a reculé de 33%, et en 2015 aussi, la croissance économique est redevenue négative. Et en tout cas, on voit l'impact des crises politiques répétitives sur l'économie de notre pays. L'on ne saurait parler de la vision 2040-2060 sans asseoir une stabilité politique, où la stabilité politique est renforcée par l'unité nationale. Pour avoir une unité nationale beaucoup plus forte, il faut éviter l'exclusion, il faut renforcer l'égalité des chances, il faut un état de droit, il faut des libertés politiques et civiles, il faut des élections libres, transparentes et inclusive. On ne pourrait pas continuer à parler de la charte de l'unité qui a été par ailleurs complétée par l'accord d'Arusha et d'autres accords de cessez-le-feu sans nous organiser des débats réguliers sur ces documents. Il faut même que la jeunesse puisse s'imprégner du contenu de ces documents parce que c'est la base du nouvel ordre économique que le Burundi avait voulu asseoir dans son pays. Quels sont les facteurs actuellement qui continuent à entraver le renforcement de l'unité nationale dans notre pays? Quels sont les stratégie qu'on est en train de concevoir pour que l'unité se renforce, continue à faire des pas de géant dans notre pays. Sinon, on ne devrait pas se limiter sur les discours et sans analyser tous ces facteurs afin de faire avancer l'unité dans notre pays qui sera toujours la base de la stabilité politique et du décollage économique pour faire face à cette situation de pauvreté et indescriptible dans laquelle se trouve notre pays. Faustin Ndikoumana, il est directeur national de la PARSEM. Et certains hommes politiques et responsables des organisations de la société civile trouvent que la charte de l'unité nationale est en soi bien écrite, mais que la mise en application pose problème. Malgré cette appréciation, ils recommandent que ce texte soit modifié. Ils se sont exprimés ce samedi lors du lancement de la semaine dédiée à l'unité nationale par le Conseil national de l'unité et de la réconciliation. Mireille Kanyang. Des intervenants dans cette conférence et débat organisée par le Conseil de l'Unité Nationale et de la Réconciliation ont estimé que la charte en soi est un bon texte toutefois. Du côté de l'association Uniproba regroupant les Batois, ils sont toujours exclus, dit l'honorable libérate Nichayenzi, insistant sur le partage entre Burundais. De son côté, Aloïse Barichako, président du parti RANAC, trouve que les Burundais devraient apprendre d'autres pays, notamment les États-Unis avec la guerre de sécession qui a frappé le pays, mais que le peuple s'est réunifié. Sinon, au Burundi, l'on resterait au niveau des célébrations. Pour le parti CNL, honorable Pamphile Maraïka estime que seul un état de droit serait la clé de l'unité nationale effective. Il trouve que la charte de l'unité nationale devrait être modifiée. Idée soutenue par les professeurs Elias Senhamba et Jean Bosco Manirambona qui estiment que l'unité nationale propre au Burundi ne devrait pas émaner des politiques, mais beaucoup plus d'une enquête au niveau national. quelque chose, pourquoi pas. Si ça vient des Burundais eux-mêmes. On dirait une enquête au niveau. Cette fois-ci, il a mis tout à l'heure. En réaction, de Gracias Nsanganiyumwami, président du Conseil national pour l'unité et la réconciliation, trouve que l'heure ne serait pas pour la modification, mais par contre une mise en œuvre de cette charte. Ce 5 février, les Burundais célèbrent le 33e anniversaire après la signature de cette charte de l'unité nationale. Mireille Kanyang, page éducation de cette édition. Le lycée Bouangan, commune Matana de la province Bururi n'a pas d'électricité depuis une semaine. Le directeur de cette école fait savoir que c'est suite à un transformateur qui a été foudroyé. Il indique que l'encadrement des élèves désœuvrés à l'internat pendant la nuit devient très difficile. Aloïse Ndaïloukiye demande à la régie des eaux de trouver solution à ce problème. Au niveau de la régie des eaux, on tranquillise que ce transformateur sera bientôt remplacé. Zeno Nzambiman. Ce transformateur a été foudroyé le 30 janvier de cette année et le lycée de Rubanga, un lycée en régime d'internat, n'a plus d'électricité selon les informations sur place. Des informations confirmées également par le directeur de cette école, Aloïse Ndaïloukiye, dit que les élèves internes ne révisaient plus les cours pendant la nuit, ce qui risque d'être parmi les facteurs des échecs scolaires au cours de ce deuxième trimestre. Une autre conséquence, selon lui, est que l'encadrement de 409 élèves internes, dont 229 filles et 180 garçons, devient très difficile dans l'obscurité. Ce manque d'électricité est parmi les défis auxquels fait face aujourd'hui le lycée de Lubanga, comme il a souligné également ce samedi son premier responsable scolaire. C'était à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'existence de cette école. Aloïs Ndaïloukiye demande avec insistance à la régie des eaux de tout faire pour trouver une solution à ce problème. Au niveau de la régie des eaux, on fait savoir que cet appareil foudroyé sera bientôt remplacé. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Un entraîneur de football qui affiche un comportement antisportif pendant le match reçoit un carton jaune pour l'avertissement. S'il ne change pas, il doit être infligé un carton rouge et il quitte automatiquement la zone réservée aux entraîneurs. Cela ressort de la loi numéro 10 régissant le football qui a été modifiée en 2023 par les experts de la FIFA. Évariste Mulenganwali, président de la commission chargée des arbitres au sein de la Fédération burundaise de football FFB, fait savoir qu'un entraîneur détenteur d'un carton rouge est sanctionné de ne pas entraîner un à trois matchs selon la nature de la faute commise. Chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Ndakouman. Cette modification de la loi numéro 10 législant le football permet à l'arbitre de sanctionner les entraîneurs qui affichent un comportement antisportif par un carton jaune ou rouge lors de la compétition. Propos d'Evariste Murengiranwari, président de la commission chargée des arbitres au sein de la Fédération burundaise de football FFB. C'est une modification qui est apportée il y a de cela deux ans. Maintenant, le coach ou le staff technique qui est sur le banc de touche doit se comporter en exemplaire parce que maintenant, la loi autorise à l'arbitre de sanctionner le coach ou un du staff. S'il juge qu'il persiste peut-être dans les contestations, à chaque fois que l'arbitre siffle contre son équipe, il conteste et finalement, l'arbitre peut juger qu'il a un comportement antisportif. L'arbitre peut lui infliger un carton jaune comme avertissement, mais aussi il peut lui infliger un carton rouge selon la nature de la faute. Un entraîneur sanctionné par un carton rouge perd le coaching pour les matchs compris entre 1 et 3 selon la grandeur de la faute commise. Cette règle est appliquée également pour les joueurs qui sont sanctionnés par un carton rouge. Automatiquement, il perd le coaching parce qu'il n'est pas éligible d'être coach au match suivant. Ça dépend de la faute qu'il a commise parce que la commission des compétitions peut juger que la faute qui a été commise est grave. Alors, le nombre de matchs qui lui seront interdits seront déterminés par la commission des compétitions via peut-être la commission de discipline et d'éthique qui devra appeler le fautif pour lui signifier ce qu'il a fait et les sanctions qui lui sont imposées. C'est le cas pareil. Lui aussi, le joueur, s'il reçoit un carton rouge, normalement, on lui interdit un seul match, mais aussi ça dépend de la nature de la faute qu'il a commise. Il peut se bagarrer. On ne peut pas permettre les gens à se bagarrer dans le football ou même dans n'importe quel le jeu. Le jeu, c'est le fair play. Même si ton coéquipier ou ton adversaire commet une faute qui vous a beaucoup énervé, tu dois te retenir. Tu ne dois pas te bagarrer. Si tu te bagarres, que l'arbitre est là pour réprimer ses fautes. Le président de la commission chargée des arbitres au sein de la Fédération burundaise de football FFB fait savoir que dans cette modification de la loi numéro 10, l'article relatif à la réglementation de la science des tirs au but a été modifié. Les tirs au but sont effectués à la fin d'un match. C'est déterminé par le règlement de cette compétition. C'est à la fin du match où on a remarqué que les deux équipes sont à égalité parfaite après les deux matchs qui les ont opposés. On doit déterminer à coup sûr le vainqueur de cette compétition. Ce n'est pas comme on le fait dans le championnat où on compte le nombre de points pour déterminer le vainqueur. Tout ça, c'est déterminé par le règlement de la compétition. Prenons qu'il s'agissait d'un tournoi qui est organisé où il devra y avoir un vainqueur. Alors, les deux qui arrivent en finale sont à égalité parfaite. Donc, pour le départager, tu dois passer par la séance des tirs au but pour montrer qui a vaincu l'autre. Dans la prochaine chronique sportive, Evariste Murengira-Ntwari, président de la commission chargée des arbitres au sein de la Fédération burundaise de football FFB, expliquera les modifications de la loi numéro 14 qui parle du positionnement du gardien dans le terrain de football. Veuillez nous excuser pour cette erreur de montage. Et c'est ainsi que ce journal prend fin. Merci à ceux et celles qui l'ont suivi avec intérêt. À la présentation d'Henri Bingabilé, Alphonse Kougiman a assuré la mise en onde. Bonne suite de nos programmes.